chantier de la démocratie. Comment ne pas rappeler que c'est le Parti congolais du travail qui a organisé en précurseur l'une des toutes premières conférences nationales en 1972. Tout récemment encore, alors qu'à l'Est, la perestroïka n'avait pas encore produit ses effets. C'est sous le signe du changement, du renouveau, que nous avons tenu notre 4e congrès ordinaire en juillet 1989. Librement, courageusement, en phase avec le peuple et tenant compte des données intervenues sur la scène mondiale, nous avons engagé notre pays sur la voie difficile mais nécessaire de la démocratie pluraliste. Et nous avons tenu notre pari, malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et 3 mois plus tard, nommé président de la Conférence nationale, Monseigneur Ernest Combeau précise ce qu'il faut attendre de cette initiative.